Lecture d'enfance. Aujourd'hui, entrons dans le monde de Jules Supervielle, écrivain, poète, né à la fin du 19e siècle en Uruguay. Très tôt orphelin, il quitte l'Amérique latine pour Paris, où il vivra toute sa vie, retournant tout de même régulièrement dans son pays. À Paris, il deviendra l'ami intime de Henri Michaux, Rainer Maria Rilke, Jean Paulhan, partageant leur vision poétique du monde. Jules Supervielle est l'auteur d'un recueil de contes fantastiques, « L'enfant de la haute mer », paru en 1931. Lecture, aujourd'hui, par Claude Winter. J'ai choisi « L'enfant de la haute mer » de Jules Supervielle. D'abord parce que Jules Supervielle est un auteur que j'aime infiniment, tant dans cette nouvelle-ci que dans une autre nouvelle comme « Le bœuf et l'âne de la crèche », pour sa poésie extrêmement délicate, extrêmement profonde, absolument pas voulue. Ce n'est pas de la poésie pour de la poésie, c'est un langage humain qui se dégage avec une tendresse, une chaleur, une délicatesse et une pudeur extraordinaire. Comment s'était formée cette rue flottante? Quel marin, avec l'aide de quels architectes, l'avait construite dans le haut Atlantique, à la surface de la mer, au-dessus d'un gouffre de 6000 mètres? Cette longue rue aux maisons de briques rouges si décolorées, qu'elle prenait une teinte gris de France, ses toits d'ardoise, de tuiles, ses humbles boutiques immuables, et ce clocher très ajouré. Et ceci, qui ne contenait que de l'eau marine et voulait sans doute être un jardin clos de murs garnis de tessons de bouteilles par-dessus lesquels sautait parfois un poisson. Comment cela tenait-il debout sans même être ballotté par les vagues? Et cet enfant de 12 ans, si seul, qui passait en sabots d'un pas sûr dans la rue liquide, comme si elle marchait sur la terre ferme, comment se faisait-il? Nous dirons les choses au fur et à mesure que nous les verrons et que nous saurons. Et ce qui doit rester obscur le sera malgré nous. À l'approche d'un navire, avant même qu'il fût perceptible à l'horizon, l'enfant était prise d'un grand sommeil, et le village disparaissait complètement sous les flots. Et c'est ainsi que nul marin, même au bout d'une longue vue, n'avait jamais aperçu le village, ni même soupçonné son existence. L'enfant se croyait la seule petite fille au monde. Savait-elle seulement qu'elle était une petite fille? Elle n'était pas très jolie à cause de ses dents un peu écartées, de son nez un peu trop retroussé. Mais elle avait la peau très blanche, avec quelques taches de douceur. Je veux dire de rousseur. Et sa petite personne, commandée par des yeux gris, modestes mais très lumineux, vous faisait passer dans le corps jusqu'à l'âme une grande surprise qui arrivait du fond des temps. Dans la rue, la seule de cette petite ville, l'enfant regardait parfois à droite et à gauche comme si elle eût attendu de quelqu'un un léger salut de la main ou de la tête, un signe amical. Simple impression qu'elle donnait, sans le savoir, puisque rien ne pouvait venir, ni personne, dans ce village perdu et toujours prêt à s'évanouir. De quoi vivait-elle? De la pêche? Nous ne le pensons pas. Elle trouvait des aliments dans l'armoire et le garde-manger de la cuisine, et même de la viande, tous les deux ou trois jours. Il y avait aussi pour elle des pommes de terre, quelques autres légumes et des œufs de temps en temps. Les provisions naissaient spontanément dans les armoires. Et quand l'enfant prenait de la confiture dans un pot, il n'en demeurait pas moins inentamé, comme si les choses avaient été ainsi un jour et qu'elles dussent en rester là éternellement. Le matin, une demi-livre de pain frais enveloppé dans du papier attendait l'enfant sur le comptoir de marbre de la boulangerie derrière lequel elle n'avait jamais vu personne, même pas une main ni un doigt poussant le pain vers elle. Elle était debout de bonne heure, levait le rideau de métal des boutiques. Ici, on lisait estaminet, et là, forgeron ou boulangerie moderne, mercerie. Ouvrait les volets de toutes les maisons, les accrochait avec soin à cause du vent marin, et suivant le temps, laissait ou non les fenêtres fermées. Dans quelques cuisines, elle allumait du feu afin que de la fumée s'élevât de trois ou quatre toits. Une heure avant le coucher du soleil, elle commençait à fermer les volets avec simplicité, et elle abaissait les rideaux de tôle ondulée. L'enfant s'acquittait de ses tâches, mu par quelque instinct, par une inspiration quotidienne qui la forçait à veiller à tout. Dans la belle saison, elle laissait un tapis à une fenêtre, ou du linge à sécher, comme s'il fallait à tout prix que le village eût l'air habité et le plus ressemblant possible. Et toute l'année, elle devait prendre soin du drapeau de la mairie, s'y exposer. La nuit, elle s'éclairait de bougies ou cousait à la lumière de la lampe. On trouvait aussi l'électricité dans plusieurs maisons de la ville et l'enfant tournait les commutateurs avec grâce et naturel. Une fois, elle fit au heurtoir d'une porte un nœud de crêpe noire. Elle trouvait que cela faisait bien. Cela resta là deux jours, puis elle le cacha. Une autre fois, la voilà qui se met à battre du tambour, le tambour du village, comme pour annoncer quelques nouvelles. Et elle avait une violente envie de crier quelque chose qu'on eût entendu d'un bout à l'autre de la mer, mais sa gorge se serrait, nul son n'en sortait. Elle fit un effort si tragique que son visage et son cou en devinrent presque noirs, comme ceux des noyés. Puis il fallut ranger le tambour à sa place habituelle dans le coin gauche, au fond de la grande salle de la mairie. L'enfant accédait au clocher par un escalier en colimaçon aux marches usées par des milliers de pieds jamais vus. Le clocher, qui devait bien avoir 500 marches, pensait l'enfant, il en avait 92, laissait voir le ciel le plus qu'il pouvait entre ses briques jaunes. Et il fallait contenter l'horloge à poids en la remontant à la manivelle pour qu'elle sonnât vraiment les heures, jour et nuit. La crypte, les autels, les saints de pierre donnant des ordres tacites, toutes ces chaises à peine chuchotantes qui attendaient, bien alignées, des êtres de tous les âges, ces autels dont l'or avait vieilli et désirait vieillir encore, tout cela attirait et éloignait l'enfant, qui n'entrait jamais dans la haute maison, se contentant d'entrouvrir parfois la porte capitonnée aux heures de désœuvrement pour jeter un regard rapide à l'intérieur, en retenant son souffle. Dans une malle de sa chambre se trouvaient des papiers de famille, quelques cartes postales de Dakar, Rio de Janeiro, Hong Kong, signées Charles ou C. Liévince et adressées à Steinvord, Nord. L'enfant de la haute mer ignorait ce qu'étaient ces pays lointains, et ce Charles, et ce Steinvord. Elle conservait aussi dans une armoire un album de photographies. L'une d'elles représentait une enfant qui ressemblait beaucoup à la fillette de l'océan, et souvent celle-ci la contemplait avec humilité. C'était toujours l'image qui lui paraissait avoir raison, être dans le vrai. Elle tenait un cerceau à la main. L'enfant en avait cherché un pareil dans toutes les maisons du village. Et un jour, elle pensa avoir trouvé. C'était le cercle de fer d'un tonneau. Mais à peine eut-elle essayé de courir avec lui dans la rue Marine que le cerceau gagna le large. Dans une autre photographie, la petite fille se montrait entre un homme revêtu d'un costume de matelot et une femme osseuse et endimanchée. L'enfant de la haute mer, qui n'avait jamais vu d'homme ni de femme, s'était longtemps demandé ce que voulaient ces gens. Et même au plus fort de la nuit, quand la lucidité vous arrive parfois tout d'un coup avec la violence de la foudre. Tous les matins, elle allait à l'école communale avec un grand cartable, enfermant des cahiers, une grammaire, une arithmétique, une histoire de France, une géographie. Elle avait aussi le Gaston Bonnier, membre de l'Institut, professeur à la Sorbonne, et Georges de Layens, lauréat de l'Académie des sciences, une petite flore contenant les plantes les plus communes, ainsi que les plantes utiles et nuisibles, avec 898 figures. Elle lisait dans la préface « Pendant toute la belle saison, rien n'est plus aisé que de se procurer en grande quantité les plantes des champs et des bois. » Et l'histoire, la géographie, les pays, les grands hommes, les montagnes, les fleuves et les frontières. Comment s'expliquer tout cela pour qui n'a que la rue vide d'une petite ville au plus solitaire de l'océan? Mais l'océan même, celui qu'elle voyait sur les cartes, elle ne savait pas se trouver dessus. Bien qu'elle l'eût pensé un jour, une seconde, mais elle avait chassé l'idée comme folle et dangereuse. Par moments, elle écoutait avec une soumission absolue, écrivait quelques mots, écoutait encore, se remettait à écrire comme sous la dictée d'une invisible maîtresse. Puis l'enfant ouvrait une grammaire et restait longuement penché, retenant son souffle, sur la page 60 et l'exercice 178 qu'elle affectionnait. La grammaire semblait y prendre la parole pour s'adresser directement à la fillette de la haute mer. « Êtes-vous ? Pensez-vous ? Parlez-vous ? Voulez-vous ? Faut-il s'adresser ? Se passe-t-il ? Accuse-t-on ? Êtes-vous capable ? Êtes-vous coupable ? Est-il question ? Tenez-vous ce cadeau ? Et vous plaignez-vous ? Remplacez les tirets par le pronom interrogatif convenable avec ou sans préposition. Parfois, l'enfant éprouvait un désir très insistant d'écrire certaines phrases, et elle le faisait avec une grande application. En voici quelques-unes entre beaucoup d'autres. Partageons ceci, voulez-vous ? Écoutez-moi bien, asseyez-vous, ne bougez pas, je vous en supplie. Si j'avais seulement un peu de neige des hautes montagnes, la journée passerait plus vite. Écume, écume autour de moi, ne finiras-tu pas par devenir quelque chose de dur ? Pour faire une ronde, il faut au moins être trois. C'était deux ombres sans tête qui s'en allaient sur la route poussiéreuse. La nuit, le jour, la nuit, les nuages et les poissons volants. J'ai cru entendre un bruit, mais c'était le bruit de la mer. Ou bien elle écrivait une lettre où elle donnait des nouvelles de sa petite ville et d'elle-même. Cela ne s'adressait à personne, et elle n'embrassait personne en la terminant, et sur l'enveloppe il n'y avait pas de nom. Et la lettre finie, elle la jetait à la mer, non pour s'en débarrasser, mais parce que cela devait être ainsi, et peut-être à la façon des navigateurs en perdition qui livrent au flot leur dernier message dans une bouteille désespérée. Le temps ne passait pas sur la ville flottante. L'enfant avait toujours 12 ans. Et c'est en vain qu'elle bombait son petit torse devant l'armoire à glace de sa chambre. Un jour, lasse de ressembler avec ses nattes et son front très dégagé à la photographie qu'elle gardait dans son album, elle s'irrita contre elle-même et son portrait et répandit violemment ses cheveux sur ses épaules, espérant que son âge en serait bouleversé. Peut-être même la mère tout autour en subirait-elle quelque changement et verrait-elle en sortir de grandes chèvres à la barbe écumante qui s'approcheraient pour voir. Mais l'océan demeurait vide et elle ne recevait d'autres visites que celles des étoiles filantes. Un autre jour, il y eut comme une distraction du destin. Une fêlure dans sa volonté. Un vrai petit cargo tout fumant, têtu comme un bouledogue et tenant bien la mer, quoiqu'il fût peu chargé, une belle bande rouge éclatait au soleil sous la ligne de flottaison. Un cargo passa dans la rue marine du village sans que les maisons disparussent sous les flots ni que la fillette fût prise de sommeil. Il était midi juste. Le cargo fit entendre sa sirène. Mais cette voix ne se mêla pas à celle du clocher. Chacune gardait son indépendance. L'enfant, percevant pour la première fois un bruit qui lui venait des hommes, se précipita à la fenêtre et cria de toutes ses forces « Au secours !» et elle lança son tablier d'écolière dans la direction du navire. L'homme de bar ne tourna même pas la tête. Et un matelot qui faisait sortir de la fumée de sa bouche passa sur le pont comme si de rien n'était. Les autres continuèrent de laver leur linge, tandis que de chaque côté de l'étrave, des dauphins s'écartaient pour céder la place au cargo qui se hâtait. La fillette descendit très vite dans la rue, se coucha sur les traces du navire et embrassa si longuement son sillage que celui-ci n'était plus quand elle se releva qu'un bout de mer sans mémoire et vierge. En rentrant à la maison, L'enfant fut stupéfaite d'avoir crié au secours. Elle comprit alors seulement le sens profond de ces mots, et ce sens l'effraya. Les hommes n'entendaient-ils pas sa voix? Ou ils étaient sourds et aveugles, ces marins, ou plus cruels que les profondeurs de la mer? Alors une vague vint la chercher, qui s'était toujours tenue à quelque distance du village, dans une visible réserve. C'était une vague énorme et qui se répandait beaucoup plus loin que les autres, de chaque côté d'elle-même. Dans le haut, elle portait deux yeux d'écume parfaitement imités. On eût dit qu'elle comprenait certaines choses et ne les approuvait pas toutes. Bien qu'elle se formât et se défît des centaines de fois par jour, jamais elle n'oubliait de se munir à la même place de ses deux yeux bien constitués. Parfois, quand quelque chose l'intéressait, on pouvait la surprendre, qui restait près d'une minute la crête en l'air, oubliant sa qualité de vague, et qu'il lui fallait se recommencer toutes les 7 secondes. Il y avait longtemps que cette vague aurait voulu faire quelque chose pour l'enfant, mais elle ne savait quoi. Elle vit s'éloigner le cargo et comprit l'angoisse de celle qui restait. N'y tenant plus, elle l'emmena non loin de là, sans mot dire et comme par la main. Après s'être agenouillée devant elle à la manière des vagues et avec le plus grand respect, elle l'enroula au fond d'elle-même, la garda un très long moment en tâchant de la confisquer avec la collaboration de la mort, et la fillette s'empêchait de respirer pour seconder la vague dans son grave projet. N'arrivant pas à ses fins, elle la lança en l'air jusqu'à ce que l'enfant ne fût pas plus grosse qu'une hirondelle marine, la prit et la reprit comme une balle, et elle retombait parmi des flocons aussi gros que des œufs d'autruche. Enfin, voyant que rien n'y faisait, qu'elle ne parviendrait pas à lui donner la mort, la vague ramena l'enfant chez elle dans un immense murmure de larmes et d'excuses. Et la fillette, qui n'avait pas une égratignure, dut recommencer d'ouvrir et de fermer les volets sans espoir et de disparaître momentanément dans la mer dès que le mât d'un navire pointait à l'horizon. Marins, qui rêvez en haute mer, les coudes appuyés sur la lisse, craignez de penser longtemps dans le noir de la nuit à un visage aimé. Vous risqueriez de donner naissance, dans des lieux essentiellement désertiques, à un être doué de toute la sensibilité humaine et qui ne peut pas vivre, ni mourir, ni aimer, et souffre pourtant, comme s'il vivait, aimait et se trouvait toujours sur le point de mourir. Un être infiniment déshérité dans les solitudes aquatiques, comme cet enfant de l'océan, né un jour du cerveau de Charles Liévins, de Steinvord, matelot de pont du 4 mâts le Hardy, qui avait perdu sa fille âgée de 12 ans pendant un de ses voyages, et une nuit, par 55 degrés de latitude nord et 35 de longitude ouest, pensa longuement à elle avec une force terrible pour le grand malheur de cet enfant. La jeune fille à la voix de violon. C'était une jeune fille comme une autre, avec des yeux peut-être un peu trop larges, mais si peu, qu'on se demandait si on n'en avait pas vu souvent d'ainsi fait. Dès l'enfance, elle avait compris à une sorte d'intrigue autour d'elle qu'on lui cachait quelque chose. Elle ignorait l'objet de ses chuchotements et ne s'en inquiétait guère, pensant qu'il en était toujours ainsi quand il y avait à la maison une petite fille. Un jour, comme elle tombait d'un arbre, le cri qu'elle poussa lui apparut dans toute son étrangeté, inhumain et musical. Elle surveilla désormais sa voix et crut y reconnaître, glissant sous les mots de tous les jours, des accents de violon, et même un mi bémol, ou un fa dièse, ou quelque autre impertinence. Et quand il lui arrivait de parler, elle vous regardait avec simplicité comme pour effacer cette impression bizarre. Un garçon lui dit un jour « Fais donc marcher ton violon. » « Je n'en ai pas. » « Là, là, » dit-il en voulant fourrer sa main dans la bouche de l'enfant. Ce n'était pas une petite chose que d'arriver chez les gens avec une voix de violon. D'être invité à un thé ou à un déjeuner sur l'herbe et de porter toujours sur soi, dans la gorge, cette voix étrangère, prête à sortir, même quand elle disait « Merci » ou « Il n'y a pas de quoi ». Et rien ne l'agaçait tant que si l'on s'écriait « Mais quelle voix merveilleuse elle a !»« Qu'est-ce qui se trame en moi-même » pensait-elle. « Ces accords inattendus me révèlent beaucoup trop, comme si je me mettais à me déshabiller au milieu d'une conversation. » Et puis voici mon corsage, et prenez aussi mes bas. Vous êtes heureux maintenant, je n'ai plus rien à moi. Parce que rien ne lui plaisait tant que de ne pas se singulariser, elle gardait généralement le silence, et s'habillait avec quelle modestie, quelle neutralité, et toujours un large ruban tout à fait gris autour de sa gorge musicale. Après tout, on n'a pas besoin de parler, songeait-elle. Même quand elle ne disait rien, on ne pouvait oublier que cette voix était là, prête à sortir. Une de ses camarades, à l'oreille fine, prétendait même qu'elle ne se taisait jamais complètement, que son silence cachait mal de sourds accords et même des mélodies assez claires. Il suffisait d'un peu d'attention. Et si cela ravit certaines de ses amies, les autres en tirèrent de l'inquiétude, et pour elle-même. Toutes finir par la délaisser. Tout de même, si mon silence n'est plus à moi, un chirurgien, ami de la famille, fut appelé à examiner cette gorge, ses cordes vocales. Sans doute faudrait-il opérer, mais quoi ? Il se pencha sur cette bouche ouverte, comme sur un puits hanté, et s'abstint d'intervenir. S'il savait d'où je viens, se dit-elle un jour, en s'asseyant à la salle à manger auprès de ses parents qui lui reprochaient son retard. Il ne se doute pas de ce que je viens de faire. Ce père à la longue figure, ni toi, mère, moins irritable en apparence, mais qui éclate tout d'un coup en trois phrases hérissées et venimeuses. Bonnes gens, n'allez-vous pas me laisser tranquille avec ces histoires de potage qui va être tout froid. Il s'agit bien aujourd'hui de quelques minutes de retard. Durant presque tout le repas, elle se tut. Mais il fallut bien répondre à une question de son père. Et les parents de se regarder avec étonnement. La voix de leur fille était devenue une voix comme les autres. « Répète un peu, » dit le père le plus doucement possible. « J'ai mal entendu. » Et la jeune fille rougit et ne dit mot. Après le repas, les parents se réunirent dans leur chambre et le père prit la parole. « Mais si vraiment elle n'a plus cette voix bizarre, il va falloir en informer la famille, peut-être même donner une petite fête entre intimes, sans dire bien entendu la raison de cette réjouissance. Attends encore quelques jours. Oh, sans doute, il faut au moins attendre 8 jours, soyons prudents. » Le père décida de se faire lire le journal par sa fille tous les matins. Il savourait les inflexions de cette nouvelle voix, comme une gourmandise qui lui serait venue d'un autre monde. N'aimait-il pas aussi le petit vertige qu'il éprouvait à l'idée que sa fille pourrait à nouveau se mettre à parler comme naguère? Un jour qu'elle lisait ainsi un long article de politique étrangère, la jeune fille, mais c'était une femme maintenant, s'aperçut à son tour que sa voix ressemblait à celle de ses camarades. et elle ne put s'empêcher d'en vouloir à son amie qui avait détruit en elle ses accords singuliers. S'il m'avait vraiment aimé, songeait-elle. Mais qu'est-ce que tu as ? Tu es en larmes, dit le père. Si c'est à cause de ta voix, il y aurait plutôt lieu de te réjouir, mon enfant. Cette émission était remise en ondes par Laetitia Coya. Vous pouvez la réécouter, la télécharger sur franceculture.fr à la page des fictions.